بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc mes chers frères, nous continuons inshallah l'explication du texte de Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab Al-Usul al-Thalatha. Donc nous avions terminé avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala la première partie de l'introduction du texte. Donc nous avions dit que le texte composé d'une introduction, elle-même se composant de trois parties. Et chaque partie de l'introduction débute par l'expression du cheikh « I'lam rahimakallah » pour la première partie d'introduction, « I'lam rahimakallah » à nouveau pour la deuxième partie d'introduction, « I'lam arshadakallahu li ta'ati » pour la troisième partie de l'introduction. Puis après cette introduction-là, le shir donc pénètre dans le cœur de son texte qui sont al-usul al-thalatha qui commence à partir de la parole du shir. Wa idha qila laka mal usul al-thalatha. Si on te demande quels sont les trois fondements, puis ensuite il va expliquer les trois fondements qui sont la connaissance d'Allah, du prophète et de la religion de l'islam. Puis à la fin, il y a donc une conclusion dans laquelle certaines notions vont être évoquées comme la foi au jour de la résurrection, la hijra, la notion de hijra, la notion de tarout. Ça, c'est donc la conclusion du texte. Donc, biiznillah et azwajal, aujourd'hui, inshallah, on pénètre dans la deuxième partie de l'introduction du shir. Donc, le shir dit, i'lam rahimakallah, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal-amalu bihin. Al-oula, annallaha khalaqana. Sache, i'lam. Donc on avait vu l'explication de I'lam. C'est une parole par laquelle le shir, rahimahullah, interpelle l'attention du lecteur. Rahimakallah, ça c'est une dua du shir dans laquelle il dit qu'Allah te fasse miséricorde et c'est une trace donc de l'amour et de la miséricorde et du bien que veut le shir pour son élève, pour son lecteur. Donc le shir dit ensuite « Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin » qu'il est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane, ta'allum thalathi hadhihi al-masail, l'apprentissage de ces trois notions. Donc dans la première partie, on avait donc quelque chose qui ressemblait à peu près à ce texte-là, lorsque le shir disait, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous, il avait dit, alors qu'ici il a dit pour tout musulman et tout musulmane, il avait dit pour nous l'apprentissage de quatre notions. Et on avait dit que donc cette liste-là, de quatre notions, elle n'était pas exhaustive, c'est-à-dire que ce n'était pas limité à ces quatre notions, qui étaient la connaissance, agir par sa connaissance, la da'wa et la patience. Il n'y avait pas que quatre donc, notions, mais il y avait aussi d'autres notions qui entraient en compte. Donc celle-ci, là le shir dit qu'il est obligatoire pour tout musulman et tout musulmane d'apprendre trois notions. Donc ce sont trois autres notions différentes des quatre premières qui ont été évoquées. Donc le shir dit أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل. Qu'il est une obligation pour tout musulman et musulmane d'apprendre ces trois notions والعمل بهن, et donc d'agir par ces trois notions. Le shir dit ici il a dit على كل مسلم ومسلمة, alors que dans la première partie il avait dit علينا. On avait dit que علينا, il y avait donc tous les humains qui entraient dans cette expression, il est une obligation « alayna », c'est-à-dire « pour nous ». Il est une obligation à notre égard. À notre égard qui ? Tous les humains, musulmans et mécréants. Car la connaissance d'Allah, du prophète, pratiquer, prêcher, patienter, c'est une obligation pour tous les humains, qu'ils soient musulmans ou pas, et ainsi que les djinns. Ici, le shaykh a dit « ala kulli muslimin wa muslimatin ». Il est une obligation pour tout musulman et musulmane. Est-ce que le shir ici veut dire que ces obligations ne se dirigent pas aussi vers les mécréants? Non, ce n'est pas le but du shir. Le shir aussi vise par ces paroles-là les mécréants. Mais simplement, puisque son écrit à la base arrive entre les mains de musulmans, donc il a cité les musulmans et les musulmanes et a délaissé les mécréants, mais cela ne veut pas dire que son objectif, c'est d'écarter les mécréants de l'objet des notions qu'il va citer. Pourquoi ? Parce qu'on avait expliqué que les mécréants, ils étaient interpellés par les fondements du tawhid. Et on avait dit qu'il n'y avait pas de divergence à ce niveau-là. Qu'ils sont interpellés par le fait de connaître Allah, de proclamer son unicité, connaître le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ces notions que l'on cite ici, les musulmans et les non-musulmans sont égaux devant. En revanche, les furu', les ramifications, le fait de prier, le fait de jeûner, le fait de faire des sadaqas, lier les liens de la parenté, etc. Les actes, qui sont ici des ramifications, dans ce contexte-là, on avait dit qu'il y avait divergence, mais que l'avis le plus pertinent, c'était qu'il était obligatoire aussi pour les mécréants d'agir en fonction des ramifications, de les pratiquer, et qu'ils étaient pris à défaut yawm al-qiyama et châtiés par rapport à cela. Et on avait cité le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « Ma salakakum fi saqar » « Qu'est-ce qui vous a fait entrer dans saqar » qui est un endroit de l'enfer ?« Qalu lam nakum min al-musallin » Qu'est-ce qu'ont répondu les gens de l'enfer? Ils ont dit « Nous ne faisions pas partie des prieurs. » Donc ça, c'est une preuve que les mécréants aussi sont interpellés par les ramifications de la religion. Donc le shir dit « Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est une obligation pour tout musulman et tout musulmane. » Si le shir n'avait dit que pour tout musulman, cela aurait suffi pour comprendre que les musulmanes aussi entrent dans cette expression-là. Car le prophète alayhi salatu wa sallam dit « An-nisa'u shaqa'iqur rijal » Les femmes sont les sœurs, donc de même père et de même mère, des hommes. C'est-à-dire qu'ils sont face aux ordres et aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala égaux. Sauf s'il y a un dalil, une preuve du Qur'an ou de la Sunna qui vient les différencier. Mais à la base, ils sont égaux dans les règles. Mais pourquoi est-ce que le shir ici dit il est obligatoire pour tout musulman et musulmane? C'est pour insister. Par insistance, le shir a cité donc les musulmanes, rahimahullah, mais s'il avait dit simplement musulman, cela aurait suffi. Donc le shir a dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde qu'il est obligatoire pour tout musulman et musulmane. Quelle est la définition du musulman? Qu'est-ce qu'un musulman? Ça aussi c'est une définition qui est importante et qu'il faut connaître pour que ne pénètre pas dans cette définition des personnes qui n'en font pas partie et que ne soient pas donc expulsés, sortis de cette définition des gens qui en font partie. Donc le musulman et la musulmane, qui sont-ils? C'est من أتى بالشهادتين ومقتضاهما قولا وعملا ولم يأتي بناقد. C'est celui qui prononce les deux shahada. Donc أشهد أن لا إله إلا الله, ça c'est la première shahada. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah. وأشهد أن محمدا رسول الله, ça c'est la deuxième attestation. J'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Donc ça c'est le premier critère. Celui donc il prononce les deux shahadas. Wa amila bimuqtadahuma, puis qui agit en fonction des implications de cette shahada. Qawlan en termes de parole, wa amalan en termes d'acte. Donc on va expliquer cette définition. Qui est le musulman? Celui qui prononce les deux shahadas. Donc une personne qui ne prononce pas la shahada, en ayant la capacité de la prononcer, est-elle un musulman? Non, cette personne n'est pas un musulman. Donc la prononciation de la shahada, on l'avait vu avant ça. Que le minima requis au niveau de la langue, c'est « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ». Et en termes d'acte aussi, la personne doit agir en fonction des implications de cette shahada. Et on avait dit quel est le minima requis au niveau des actes, quel est l'acte qui fait la différence dans le hadith entre le musulman et le mécréant. La prière. Mais ce n'est pas la seule chose aussi qui fait partie des muqtada, qui fait partie des implications de la shahada. Les implications de la shahada sont nombreuses. Mais elles s'étudieront, inshallah, plus tard dans ce texte-là même. Puis, wa lam ya'ti bi naqid, et qui ne fait pas un acte annulatoire de l'islam. Donc, une personne qui dit la shahada, qui prie, qui fait sa prière, est un musulman, bi'iznillah azzawajal. Elle a le statut de musulman. À condition qu'elle ne fasse pas un aqid, un acte annulatoire de l'islam. Donc quelqu'un qui fait la shahada, qui prie quotidiennement, et qui fait du shirk, À côté, Akbar, par exemple, qui fait de la sorcellerie, par exemple. Cette personne, quel est son statut? Est-elle musulman? Est-elle musulmane? Non. Pourtant, elle fait la shahada. Et est-ce qu'elle agit en fonction des implications de la ilaha illallah? La ilaha illallah implique que tu fasses de la sorcellerie? La ilaha illallah implique que tu ailles voir un voyant? Ta shahada Muhammadur Rasulullah implique que tu prennes des autres lois que les lois d'Allah et du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam? Non. Elles impliquent que tu prennes comme juge Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles impliquent que tu te désavoues de la sorcellerie et des sorciers. Donc celui qui prononce cette parole-là et qui fait sa prière, mais qui fait ce type d'acte que l'on étudiera plus tard, les actes annulatoires de l'islam, n'entre pas dans la définition du musulman. Donc le musulman et la musulmane, c'est celui qui fait ces deux shahada, qui prononce donc la shahada et qui agit en termes d'action et de parole en fonction de ses implications et qui ne fait pas un acte annulatoire de l'islam. Donc le cheikh dit, I'lam rahimakallah, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour tout musulman et tout musulmane l'apprentissage de ces trois notions-là. Wal'amalu bihin. Il a dit l'apprentissage de ces trois notions et agir, pratiquer ces trois notions-là. Donc qu'est-ce qui est obligatoire pour ces trois notions à chaque fois? La connaissance de cette notion-là et la pratique de cette notion-là. Il va nous citer trois notions. Pour chaque notion, on a deux obligations auxquelles on doit répondre. La première, la connaître. La seconde, pratiquer cette obligation que l'on va découvrir. Pourquoi est-ce que le cheikh n'a pas dit pratiquer simplement? Et pourquoi il insiste dans ce texte-là sur les notions à chaque fois de ilm? Ta'allum hadhihi al-masa'il. Il dit apprendre ces notions-là. Pourquoi? Parce que la pratique d'une notion ne peut être juste que si jamais elle se fait en fonction d'une représentation qui est juste. Donc là, il te montre, le shir, que les définitions en islam sont extrêmement importantes. Car ces trois notions qu'il va citer, si tu te les représentes mal, comment est-ce que tu vas pouvoir les pratiquer? Et comme vous savez, on a dit la dernière fois que at-tawhid, par exemple l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, on avait parlé de la aqida, on avait parlé du iman, on avait parlé de l'islam, l'islam. On avait dit que ces notions-là, on appelle ça des haqiqa shara'iyya. Ce sont des réalités législatives. Quand on étudie le mot tawhid, par exemple, qu'est-ce qu'on avait dit? Tawhid, c'est quoi? C'est le fait d'attribuer l'unicité à quelqu'un, dans la langue arabe. Dans le shara, le tawhid, on avait dit que c'est l'attribution de l'unicité à Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicisation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, dans sa divinité, dans ses noms et ses attributs. Est-ce qu'un arabe, même au temps du prophète alayhi salatu wa salam, mais n'ayant pas de lien avec le Coran et la sunna mécréant, est-ce qu'il comprend par tawhid la compréhension linguistique ou bien législative? Linguistique. Donc le cheikh ici te dit, il est obligatoire pour nous d'apprendre trois notions et de les pratiquer. Quand il te dit apprendre ici, c'est apprendre les définitions. Pourquoi? Parce que ces définitions-là, ce qu'on appelle al-haqa'iq al-shar'iyya, elles sont tawqifiyya. Elles sont elles aussi déterminées par le Coran et la Sunna. Ça c'est important mes chers frères. Dans la aqidah, dans le tawhid, dans le iman, dans le kufr, dans le fisq, dans le dhulm, ces termes-là, ces termes, cette notion elle est importante parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui découlent de ça. Ces termes-là, d'abord leur apparition, l'apparition du mot kufr, du mot iman, du mot tawhid, dans le shara, dans la législation, elle est soumise à sa présence dans le Coran et la Sunna. Si le terme n'est pas présent dans le Coran et la Sunna, on ne dit pas que c'est un lafd shara'i. On avait dit l'aqida par exemple. L'aqida c'est un lafd shara'i législatif. Il n'est pas dans le Coran et la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a prononcé ce mot-là? Est-ce que Allah l'a cité dans le Coran? Donc son sens est acceptable législativement, mais le mot en lui-même, on ne dit pas que c'est une haqiqa shara'iyya, que c'est un mot qui fait partie de la législation dans le Coran et la Sunna. En revanche, on avait dit le tawhid. Le tawhid. On avait dit qu'on le trouve dans le Coran et la Sunna. Dans le Coran, dans son sens, et dans la Sunna, on trouve le mot tawhid en lui-même, dans les hadiths et dans les paroles des salafs. On avait dit de Jabir radiyallahu an, wa ahalla bit tawhid. Dans le long hadith du Hajj, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononça le tawhid, c'est-à-dire la talbiya, l'expression que disent les pèlerins, le bayk, Allahumma le bayk. Donc la première chose, mes frères, une expression, donc sharia, elle doit d'abord être présente dans le Coran et la Sunna ou bien l'ijma' des salaf. Ça, c'est la première chose. On appelle ça ithbathul lafd. Donc d'abord, accepter le terme, c'est si jamais il est présent dans le Coran, la Sunna, ou bien que les salaf ont été en consensus par rapport, quand je dis les salaf, c'est les sahaba, radiyallahu anhum, par rapport à ce terme-là. Une fois qu'on a accepté le lafd, là encore, il y a un autre travail, une deuxième étape, qui est de l'expliquer comme il a été expliqué dans le Coran et la Sunna. Par exemple, le mot tawhid, maintenant. Le mot tawhid. Dans le shara, dans la législation, nous on avait dit que c'est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa seigneurie, dans sa divinité, dans ses noms et ses attributs. Mais il va y avoir des sectes et des gens qui ont une explication, qui vont accepter le mot tawhid. Le mot tawhid, ils l'acceptent, mais l'explication n'est pas selon le Coran et la Sunna. Comme les Ash'ari par exemple. Ils vont donner une définition du tawhid qui est le tawhid de la rububiya, c'est tout. Ou bien l'explication de la ilaha illallah. Les musulmans tous prononcent la ilaha illallah. Mais est-ce qu'ils en ont tous la même explication? Non. La plupart des Ash'ari, des Ash'arites, comment est-ce qu'ils expliquent? Ils disent la khaliqa illallah, pas de créateur en dehors d'Allah. Non, nous on avait dit que ce n'est pas ça. La définition c'est que nul n'est digne d'être adoré si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette faille au niveau de la définition va ouvrir la porte du shirk dans l'uluhiyya, dans la divinité. Car puisque pour eux le tawhid, c'est le tawhid dans la seigneurie. Donc le shirk, comme on va le voir dans ce cours biznillah aujourd'hui, alors que le shirk c'est le contraire du tawhid. Chez Ahlu Sunna, comme le tawhid se fait au niveau de la seigneurie, le shirk se fait au niveau de la seigneurie. Comme le tawhid aussi, il se fait au niveau de la divinité, donc de nos actes à nous. De même, le shirk se fait au niveau des actes de la personne. Comme le tawhid doit se faire au niveau du nom et des attributs, de même le shirk va se faire au niveau du nom et des attributs. Pour les Asha'ira, puisque le tawhid, c'est le tawhid dans la seigneurie, le shirk va avoir lieu seulement et uniquement dans la seigneurie. Donc c'est pour ça que les gens ils vont faire l'istirath al-amwat. Ils vont demander secours aux morts. Quand tu vas dire c'est du kufr ou du shirk, il va te dire non. Va te dire, moi je sais que c'est Allah qui a créé, je sais que c'est Allah qui guérit, je sais que c'est Allah qui donne les enfants. Mais moi je demande à lui de demander à Allah de me donner des enfants. Je demande à ce pieux qui est proche d'Allah de dire à Allah de me donner le bonheur, de me donner un travail. Va te dire, je ne fais pas de shirk, moi je lui ai pas attribué de seigneurie. Parce que pour lui, comme le tawhid ne se fait que dans la seigneurie, le shirk ne se fait que dans la seigneurie. Donc le terme de tawhid, ils l'acceptent, mais ils le définissent d'une mauvaise manière, ce qui ouvre la porte aux bida', aux innovations et aux shirk. Donc le shirk ici dit, il est obligatoire pour tout musulman et musulmane d'apprendre, première chose, trois notions, puis de les pratiquer. Donc l'apprentissage avant la pratique, car si jamais la définition est faussée, alors la pratique sera aussi faussée. Cette notion, elle est importante là, que je viens de citer. La notion que d'abord le lafd, le terme, il doit trouver sa source dans le Coran et la Sunna, puis qu'une fois qu'il a été accepté et légiféré, il doit être expliqué selon le Coran et la Sunna, c'est une règle qu'il faudra que tu gardes longtemps et qui te sera, Inch'Allah, de très importante. Puis le cheikh aussi, pourquoi est-ce qu'il fait précéder donc l'apprentissage à l'action ici, c'est comme il l'avait fait dans la première introduction. C'est parce qu'on avait dit que la science n'est en réalité une science que si jamais elle donne une pratique. Mais la connaissance comme ça, sans pratique, ce n'est pas une véritable science. On avait donné la parole de Fudayl ibn Iyad, rahmatullahi alayh, qui disait que le savant est ignorant jusqu'à ce qu'il pratique sa science. Et une fois qu'il la pratique, il devient alors savant. Car porter des textes sans en connaître le sens et pratiquer ces textes-là, en réalité, ça, c'est une catastrophe pour cette personne yawm al-qiyam. Et on a cité déjà auparavant le hadith rapporté par At-Tirmidhi dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Les jambes du serviteur ne bougeront pas yawm al-qiyama jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur quatre choses. Et parmi ces choses-là, il sera interrogé sur sa science, qu'est-ce qu'il en a fait ?» Et ça, ce sont des choses que l'on ne répétera jamais assez, hein, qu'il faut chercher la pratique par sa science. Car aujourd'hui aussi, on est dans une consommation du ilm. On aime bien écouter, on aime bien apprendre, mais la pratique est lourde pour l'âme, alors que la pratique en réalité est l'objectif de l'apprentissage. Donc quelles sont ces trois notions de manière résumée que le shir va ensuite détailler, que nous allons expliquer. La première, c'est savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour son adoration. La deuxième, c'est savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas le shirk. Et la troisième, c'est l'interdiction d'aimer les mécréants. Donc le cheikh a dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est une obligation pour tout musulman et musulmane d'apprendre ces trois notions et de les pratiquer. La première, أن الله خلقنا. La première, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Donc le cheikh a commencé par cette première notion en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et comme on a cité, donc le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est de trois parties. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, seconde partie. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie? C'est-à-dire dans ses actes à lui. Qu'il est le seul à avoir créé, qu'il est le seul à, qui donne la subsistance, qui est le seul à faire mourir, à donner la vie, subhanahu wa ta'ala, à faire descendre la pluie. Ces actes-là divins, il faut d'abord croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces actes-là et ne pas lui attribuer d'associés dans ces actes. Ça, c'est le tawhid d'Allah dans la seigneurie, c'est-à-dire dans ses actes à lui. Puis il y a le tawhid, tawhid al-uluhiyya, donc la divinité qui est le tawhid d'Allah dans nos actes à nous. Dans notre prière doit être seulement et uniquement pour Allah. Nos aumônes seulement et uniquement pour Allah. Notre jeûne seulement et uniquement pour Allah. Nos du'as, nos demandes seulement et uniquement pour Allah. Implorer le pardon seulement et uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Nos actes à nous. Puis le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. C'est donc confirmer les noms et les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué dans le Coran ou bien que le prophète alayhi salatu wa salam lui a attribué dans la sunna. Sans ressemblance et sans les rejeter et sans les interpréter. Subhanahu wa ta'ala. Donc ici, le cheikh a commencé par la première en disant « Anna Allah khalaqana » qu'Allah nous a créé. Qu'Allah nous a créé. Et donc cette notion-là, elle est en lien avec Tawhid al-Rububiyya, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. Pourquoi est-ce qu'il a commencé par ce type de Tawhid alors qu'en réalité, l'objectif même, donc, des prophètes, alayhumus salatu wassalam, et notamment la bataille avec leur peuple, et les disputes ont eu lieu au niveau de tawhid al-uluhiyya, au niveau du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la divinité, dans l'acte des gens. Car personne n'a réfuté qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur. Ni Quraysh, ni Pharaon, aucun peuple a dit c'est nous qui créons. Mais le shirk a commencé cela parce que chez les savants, donc dans le Coran et la Sunna, le tawhid d'Allah dans la seigneurie implique le tawhid dans la divinité, dans les actes du serviteur. Car celui qui, de manière totale et complète, admet qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, admet qu'Allah est celui qui donne la vie et la mort, admet que celui qui élève et qui rabaisse est Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui possède, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui donne la subsistance, etc. Celui qui de manière complète atteste de cela, ceci doit impliquer l'adoration de celui à qui tu as attribué ces qualités complètes-là. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque donc les Arabes de Quraysh confirment, lorsqu'ils sont questionnés sur celui qui a créé les cieux et la terre et qu'ils répondent que c'est Allah, Allah leur reproche alors de faire le shirk à ce moment-là. Car si réellement votre attestation était complète et comme il se doit, alors pourquoi est-ce que vous adorez autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc le shirk ici commence Donc par ce type de tawhid là, parce que c'est une introduction au tawhid de la divinité, et que le tawhid de la seigneurie implique le tawhid donc de la divinité. Et ceci on le trouve donc dans de nombreux endroits du Coran, et notamment dans un verset de Surat al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum » « Oh Jean, adorez votre Seigneur. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh Jean, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et ceux qui vous ont précédé afin que vous soyez pieux. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne d'adorer. Donc ça c'est le tawhid de la divinité ou bien de la seigneurie? De la divinité. Puis ensuite, il amène la cause, celui qui vous a créé et ceux qui vous ont précédé. Car c'est parce qu'il vous a créé que vous attestez cela. Et c'est par l'attestation de ses qualités complètes, de ce que vous lui attribuez, qu'il mérite d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Effectivement, donc les conflits entre les prophètes et leur peuple ont eu lieu au niveau de Tawhid al-Uluhiyya, mais pas au niveau de Tawhid al-Rububiyya. Et même ceux qui ont rejeté ce Tawhid-là, comme Pharaon par exemple, qui a dit « Ana rabbukum al-a'la ». Je suis votre Seigneur le Très-Haut. En vérité, on avait dit c'est une mukabara, c'est une exagération. En vérité, il dit n'importe quoi et sait qu'il est en train de mentir. Comme Allah dit, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. Et ils l'ont réfuté par la langue, mais dans leur intérieur, ils en étaient sûrs. Donc Pharaon savait très bien que Moussa était véridique et qu'il était envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que lui-même, lorsqu'il disait « Je suis votre Seigneur, le Très-Haut », ou bien lorsqu'il disait aux sorciers « Je ne savais pas que vous avez d'autres divinités que moi », il savait très bien qu'il était en train de mentir. Donc ici, Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayhi, dans l'explication de cette expression « Anna Allah khalaqana », il dit que la preuve de ceci, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, il y a la preuve auditive et la preuve donc intellectuelle. Et on avait parlé du dalil, on avait expliqué le dalil, il me semble, on avait dit que le dalil, il y a le dalil sam'i qui est donc les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam, et ça c'est la base, ça. C'est la base de laquelle on part. Lorsque l'on veut chercher donc à prouver quelque chose, notre première source de recherche c'est le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Puis il y a le dalil aqli, le dalil donc de la raison. Mais il ne faut pas comprendre que le dalil de la raison, la preuve de la raison, c'est une catégorie qui est complètement donc à l'inverse du dalil textuel. Non, le dalil aqli peut prendre source aussi dans le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et les versets par exemple qui appellent donc l'être humain à méditer sur la création qui l'entoure sont des hadiths, là sont des preuves qui sont des preuves intellectuelles de raison. Donc le cheikh dit, concernant les preuves donc auditives, Allah subhanahu wa ta'ala dit « هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ » C'est lui qui vous a créé à partir d'argile. Puis, il a mis un terme prédéterminé. Surat al-An'am. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ » Et certes, nous vous avons créé et nous vous avons façonné. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ » Et nous avons créé l'être humain. As-salsal, c'est la terre une fois qu'elle a durci, l'argile, une fois qu'il a durci. وقوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, parmi ces signes, c'est qu'il vous a créé à partir donc de terre, puis vous êtes alors des êtres humains éparpillés. Et les versets sont nombreux où Allah subhanahu wa ta'ala cite qu'il nous a créés. Et ça, c'est notre premier dalil. Ça, c'est important, mes chers frères, de prendre comme point de départ le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc le Cheikh a mis cette liste donc de versets-là pour montrer les nombreuses preuves d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran selon lesquels il nous a créés. Ensuite, le dalil aqli, le dalil donc de la raison, Allah subhanahu wa ta'ala dit. Donc on voit que le dalil de la raison, il est tiré d'un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas simplement comme ça de la raison coupée du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dalil aqli peut prendre source dans le Coran. Allah dit: Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Donc cet être humain là qui est aujourd'hui présent sur la planète, il y a en gros trois probabilités, trois éventualités. La première, qu'il se soit créé lui-même. La deuxième, c'est qu'il se soit créé de rien du tout. Et la troisième, c'est que il y a un créateur qui les a créés. Et Allah subhanahu wa ta'ala cite ça à la fin de Surat At-Tur. Allah Azza wa Jal donc cite ces probabilités-là. Il en cite deux. Il en cite deux, les réfute et laisse la troisième aux gens qui, par raisonnement, par déduction, doivent arriver à cette conclusion. Allah dit « Am khuliqu min ghayri shay » Est-ce qu'ils ont été créés à partir de rien? Comme ça, ils sont venus. « Am humul khaliqoun » Ou bien est-ce que ce sont eux qui sont les créateurs? « Am khalaqus samawati wal ard » Est-ce qu'ils ont eux-mêmes créé les cieux et la terre? Non, ils ne sont pas sûrs. Donc l'être humain sait très bien qu'il ne s'est pas créé lui-même, sa personne n'a jamais prétendu cela. Et qu'il est venu comme ça, tout seul. Qu'il est venu tout seul, même sans réalité, ces théories-là aujourd'hui qui existent, darwinisme et tout le reste, là que l'on entend aujourd'hui qui sont les théories officielles du monde occidental, en réalité, même ces gens-là savent très bien que ce sont des théories qui ont des buts politiques en vérité. Et qui ont un but qui sont d'être au service de la laïcité et de laisser les gens vivre selon leur passion. Mais scientifiquement parlant, même eux savent très bien que c'est stupide. Que ces notions-là qui sont en train de, ces théories qui sont en train d'avancer aujourd'hui au monde, en termes de probabilité, mathématiquement, c'est impossible. C'est de l'ordre de la stupidité de dire ça. Et ces gens-là, ils sont scientifiques partout, sauf dans ce domaine-là. À ce moment-là, ils vont accepter des choses qu'ils n'accepteraient pas dans d'autres domaines. Et ils savent très bien cela. Mais c'est politique et c'est que pour que les gens puissent suivre leur passion. Et ces gens-là suivent leur passion en réalité. Car ils ont toujours leur fameuse règle de cause-conséquence, mais lorsqu'ils arrivent à la source, au début du tout début. En réalité, on pense qu'il faut être extrêmement intelligent pour débattre avec ces gens-là. Non, c'est très simple. Hein. Une seule question au début de tout ce que tu es en train de me dire là. Tout ce que tu es en train de me dire, moi je veux que tu m'amènes au début. Remonte le plus haut que tu peux. Alors, arrivé là, cette matière première, elle est arrivée d'où? T'as une réponse? Non, moi j'en ai une. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée. Ni plus ni moins. Quelle réponse peut apporter cette personne-là? Aucune. Mais c'est qu'il y a de l'argent derrière, il y a des intérêts. Ça c'est des intérêts de civilisation. Les gens peuvent par ces choses-là se cacher et jouer les autruches et pouvoir vivre comme ils veulent dans leur passion, dans le péché. Et ils se sont libérés de l'église. Donc ça c'est le dalil aqli que le cheikh a cité à travers ce verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avions dit que le tawhid, dans la langue arabe, c'est al-infirad. Al-infirad, l'unicité, l'individualisme. Ça, c'est dans la langue arabe. Et dans le char, dans la législation, c'est l'unicisation. Vous comprenez quand je dis unicisation? Vous comprenez pourquoi je dis pas unicité? Vous vous souvenez de cette subtilité-là? L'unicité, c'est l'état du fait que Allah est unique. Mais le tawhid, c'est l'acte de donner ce statut-là à Allah. Donc, uniciser Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes, dans nos actes, dans ses noms et ses attributs, ça c'est at-tawhid. Le tawhid, obligatoirement, il ne peut y avoir tawhid que s'il y a nafi, il y a donc rejet, négation et ithbat, confirmation. Le nafi, c'est l'infirmation, infirmer. Donc, infirmer le statut d'être digne d'être adoré, sauf à qui on le confirme ? À Allah. On l'infirme à toute divinité et on le confirme à Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, le shirk, il a dit « Anna Allaha khalaqana ». Et on a dit ça, c'est en lien avec Tawhid al-Rububiyya. Le Tawhid, on a dit qu'il faut obligatoirement qu'il soit fondé sur deux piliers. « An-Nafi », l'infirmation, ou « Al-Ithbat », la confirmation. Je donne un exemple. Si je dis « Zaydun », qui est un prénom, « Zaydun qa'imun ».« Zaydun », »,« Zayd » est debout. Est-ce que ici, j'ai unicisé Zayd dans le statut d'être debout? Est-ce qu'il se peut que quelqu'un d'autre soit debout avec Zayd? Oui. Si je dis « La qa'ima illa Zayd », personne n'est debout sauf Zayd. Est-ce que j'ai fait l'unicisation de Zayd dans le statut d'être debout? Oui. Le cheikh ici a dit « Anna Allah khalaqana ». Ça c'est un ithbat, une confirmation. Est-ce qu'il y a un nefi? Il n'y a pas de nefi. Pourquoi est-ce que le cheikh n'a pas apporté une expression comportant les deux piliers du tawhid? C'est pour montrer que ce tawhid-là, il n'y avait pas de conflit entre les prophètes et leur peuple. Donc il n'y a pas de réel intérêt ici dans ce contexte-là à apporter une expression avec l'infirmation et la confirmation. Puis le cheikh a dit « wa razaqana » et qu'il nous a donné notre subsistance. Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayhi dit, les preuves de cette notion-là, du Coran et de la sunna, dans le Coran, la sunna et l'aql aussi, et dans la raison. Donc dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal dit, inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Allah est celui qui donne la subsistance, c'est le razzaq dhul quwwati al-matin, le détenteur de la force, al-matin, le puissant. Wa qala ta'ala, qul man yarzuqukum min as-samawati wal-ard, qul illah. Dit, qui est celui qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre? Dit, c'est Allah. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ. Dit, qui est celui qui vous donne votre subsistance du ciel et de la terre? Et celui qui possède l'ouïe et la vue, et celui qui sort le vivant du mort et qui sort le mort du vivant, et celui qui gère la situation, ils diront, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces versets-là nous donnent pour preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui nous donne notre subsistance. Et dans la sunna, le prophète alayhi salatu wa salam, dans le long hadith de Abdullah ibn Mas'ud, rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, hadith que vous trouvez dans les 40 hadiths de l'imam Nawawi, le prophète alayhi salatu wa salam dit, puis ensuite l'ange vient et lui insuffle 4 paroles. Et il écrit donc son rizq, sa subsistance, ajalihi, son terme, amalihi, ses actions, shaqiyun ou sa'id, est-ce qu'il fera partie des gens perdants ou gagnants, ceux qui réussiront ou bien qui perdront. Donc le dalil ici, c'est que le rizq, donc ta subsistance, est écrite alors que tu es dans le ventre de ta mère. Donc ça c'est le dalil de la sunna. Le dalil du aql, de la raison, et les dalils en vérité du Qur'an de la sunna sont suffisants, ils sont aussi en lien avec des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala où Allah azza wa jal dit. Il dit, أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. Voyez-vous ce que vous cultivez. Donc lorsque vous jetez la graine, que vous retournez la terre et que vous arrosez. أَأَنْتُمْ تَزَرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. Est-ce que c'est nous qui le faisons pousser ou bien c'est vous? لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. Si on voulait, eh ben on en aurait fait de la végétation sèche qui ne donne pas de fruits. Et vous seriez resté étonné à dire إِنَّا لَمُغْرَمُونَ. Donc on a dépensé pour rien. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. On est privé. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. Voyez-vous l'eau que vous buvez? أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait descendre du nuage ou bien c'est nous qui le faisons descendre? لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. Si on avait voulu, on l'aurait rendu salé. Est-ce que vous ne remerciez pas? Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici dans ces versets, mes chers frères, il nous appelle à méditer. Parce que la subsistance de laquelle on vit de manière générale, donc c'est boire et manger. Et ces choses-là sont déjà présentes autour de nous. Donc toi, ô être humain, qui est arrivé, qui a ouvert les yeux dans ce monde-là. Tu te poses pas la question pourquoi est-ce qu'il y a ça qui t'entoure? Est-ce qu'il n'y a pas un créateur bienveillant qui a mis ça en place pour que tu puisses vivre? Et en plus, en quantité suffisante. En quantité suffisante. Et en plus, ça ne disparaît même pas. Même récemment, j'écoutais un scientifique mécrant qui disait, il y a autant d'eau pour eux, selon eux, à la goutte près que lors de l'apparition de la vie sur Terre. Il n'y a pas une goutte en moins, c'est recyclé à 100%. À la base, Allah subhanahu wa ta'ala a mis une quantité qui, dans l'absolu, est suffisante pour tous les êtres humains. Puis, le cheikh dit, donc il a commencé par dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Ça, c'est la première notion qu'il faut savoir. Allah nous a créés, il nous donne notre subsistance, et il dit maintenant, وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا. Là, on est toujours dans la première des trois à apprendre. وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا. Et il ne nous a pas laissé comme ça, hamala. Hamala, c'est une expression en arabe qui veut dire sans but, sans objectif. Et cette expression, elle n'est pas présente dans le Coran à la base. Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise d'autres expressions, il a utilisé l'expression souda. Souda. Allah subhanahu wa ta'ala dit, أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتَرَكَ souda. Est-ce que l'être humain pense qu'on va le laisser comme ça, souda, sans objectif? Abdullah ibn Abbas, la majorité des explicateurs du Coran disent, souda, la yu'mar wa la yunha. C'est-à-dire qu'on lui ordonne rien et qu'on lui interdise rien. Sans qu'il soit, que lui soit interdit des choses et sans que lui soit rendu obligatoire des choses. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot abatha. Allah dit, est-ce que vous pensez qu'on vous a créé abathan sans objectif et que vous n'allez pas revenir vers nous? Mais ces trois expressions, hamala, abatha, souda, ont le même sens. Qui veut dire sans objectif. Et qu'est-ce que vivre sans objectif? C'est-à-dire sans recevoir d'ordre et d'interdit. Et ça, en réalité, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va le voir dans la preuve de la raison. Donc le Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullahi alayhi, dit que ce qui montre cela, que l'on n'a pas été créé comme ça sans objectif, il y a d'abord donc les preuves sam'iyya, donc auditives du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ. Est-ce que vous pensez que nous vous avons créé sans but et que vous n'alliez pas revenir vers nous? Allah subhanahu wa ta'ala a cité après cette probabilité qu'il y a dans la tête de certains qu'ils ont été créés sans but, qu'est-ce qu'a dit Allah? Fata'ala Allah. C'est-à-dire qu'Allah est exempté donc d'avoir créé et d'avoir laissé les gens comme ça sans but. Car ceci va à l'encontre de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'ala Allah al-malikul haq, la ilaha illahu. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, nous avons cité le verset, ayahsibu l'insanu an yutraka suda. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى فِي رِوَيَةِ حَفْصٍ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى. Est-ce que l'être humain pense que l'on va le laisser comme ça, souda, sans objectif, c'est-à-dire sans qu'il ne reçoive d'ordre et d'interdit? Donc ça, ce sont les preuves du Coran. Les preuves de la raison, le cheikh dit, il dit la présence de cette humanité-là, donc qui va vivre, qui ensuite va profiter et jouir de cette vie-là, comme les animaux jouissent, et qui ensuite vont mourir comme ça, sans être ressuscités, et sans subir de compte. Il dit ceci n'est pas digne de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est quelque chose, c'est du abath en arabe, c'est-à-dire c'est de la futilité, c'est quelque chose qui est fait pour être fait. Comme ça, sans objectif, sans sagesse. Et il dit, ce n'est pas possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée cette création. Et qu'ensuite, il envoie les prophètes, alayhum salatu wa salam, qui vont rendre licite le sang de ceux qui vont à l'encontre des prophètes. Et qu'ensuite, le résultat, eh ben, que ce soit du néant, qu'il n'y ait plus rien après tout cela. Il dit, ceci est impossible par rapport à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, hein, les gens disent, pourquoi est-ce qu'il y a tant de mal dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de guerres, mais justement, ce constat que tu fais, justement, il doit t'amener à réfuter la croyance que tu as selon laquelle il n'y a pas de Dieu. Bien au contraire, cette injustice apparente que tu vois, et que ce monde-là s'arrête ici, avec justement des gens ayant subi une injustice telle. Non, justement, ça doit t'amener à conclure qu'il y a un Dieu unique, omnipotent, omniscient, et qui va rétribuer ces gens-là dans l'au-delà, et qui va juger les gens. Parce que les justices humaines, la plupart sont injustes, dans leur loi même. Dans leur loi même, elles sont injustes. Sans parler après même du juge qui va parfois faire injustice à la personne, même si ces lois, ce sont le Coran et la Sunna, mais qui peut-être pour un pot de vin ou parce que il veut devancer un proche sur un inconnu, il va donner le droit à quelqu'un de sa famille et délaisser le droit à un inconnu. Donc dans tout cet ensemble d'injustices, il y a un grand jour, Yawm al-Qiyamah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala va réunir l'humanité et où là la balance pèsera l'atome et Allah subhanahu wa ta'ala ne laissera rien passer. Donc justement ces soi-disant injustices que l'on voit ou autres, en réalité elles doivent nous amener à comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter tous ces gens-là pour établir sa justice totale et ultime. Puis le cheikh dit « Bel arsala ilayna rasoula » Donc il poursuit dans la première notion. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Il nous a donné notre subsistance. Et il ne nous a pas délaissés comme cela sans objectif. Bel, mais plutôt, arsala ilayna rasoula. Il nous a envoyé un messager. Il nous a envoyé un messager. Qu'est-ce que ar-rasoul ? On avait vu la définition de rasoul dans des doros précédents. Ar-rasoul, on avait dit que c'est quelque chose de plus spécifique que An-Nabi. An-Nabi, c'est le prophète, et Ar-Rasoul, c'est le messager. On traduit cela par le messager. Et les savants ont différentes explications par lesquelles ils différencient le prophète du messager. Et Allahu A'lam, l'explication qui paraît la plus pertinente, c'est que le messager, c'est celui qui vient avec une nouvelle sharia, avec une nouvelle législation, qui abroge la législation précédente. Alors que le prophète est celui qui est envoyé à un peuple dans lequel est déjà venu un messager avec une législation. Et il vient simplement renouveler les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala au sein de ce peuple-là. Mais il ne vient pas avec une nouvelle législation qui abroge celle du prophète précédent. Wallahu a'lam. D'autres disent que le messager est envoyé à un peuple mécréant alors que le prophète est envoyé à un peuple croyant. Ça c'est une autre explication, et d'autres disent que le messager, il reçoit une révélation et lui est ordonné de la transmettre alors que le prophète reçoit une révélation mais qu'il ne lui est pas ordonné de la transmettre. Allah a'lam, cet avis est plus faible que les deux autres et notamment que le premier. Donc le cheikh dit bel arsala ilayna rasoula. Il nous a envoyé un messager. Et ici on voit à travers cette expression là on tire une qualité qui est la qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est sifatu tadbir. La qualité de la planification, de l'agencement, de la gestion. C'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait envoyé un messager, ça prouve que cette création-là a un objectif. Car le messager va venir pour justement pouvoir concrétiser le contraire de ce que l'on avait dit. La création sans but, sans ordre et sans interdit. Le prophète, alayhi salatu wa salam, va venir justement pour concrétiser cette sagesse-là qui est d'apporter une législation à ces humains-là pour qu'ils vivent selon les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et délaissent ces interdits. Donc, bel arsala ilayna rasoula, nous, en ce qui nous concerne, nous, notre communauté, qui est ce messager? C'est Muhammad ibn Abdillah, alayhi salatu wa salam. Et ça a été le cas de toutes les communautés. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Il n'y a pas une communauté sans que ne lui ait été envoyé un avertisseur. Donc, toute communauté, comme le prouve ce verset-là, a reçu un avertisseur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pour concrétiser la sagesse et le but pour lequel ont été créés les gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Comment adoreront-ils Allah subhanahu wa ta'ala s'ils ne reçoivent pas de livres et qu'un prophète ne leur ait pas envoyé. Comment vont-ils trouver le chemin amenant à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc ils ne peuvent pas par leur propre raisonnement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour concrétiser cette sagesse-là, envoie donc ses prophètes alayhumu salatu wassalam et descend ses livres. Donc Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi dit: "Wala budda an yursil Allah ar-rusula ila al-khalqi litaqum 'alayhim al-hujjah wa liya'budu Allah bima yuhibbuhu wa yardah." قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Donc le cheikh dit, il est obligatoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie des messagers à la création afin que les preuves soient établies contre eux et qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala de par ce qu'il aime et agrée lui subhanahu wa ta'ala. Allah dit, nous t'avons certes révélé, donc nous t'avons donné une révélation comme nous avons révélé à Nuh et donc aux prophètes qui ont été avant lui, et nous avons révélé à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Ya'qub, Al-Asbat, Isa, Ayyub, Yunus, Harun et Suleyman, et nous avons donné à Daoud les psaumes, Al-Zabur, et d'autres messagers, wa rusulan qad qasasnahum alayk, nous t'avons donné leur récit auparavant, et d'autres auxquels nous t'avons pas donné leur récit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa. Il dit des messagers. Donc quel est l'objectif de l'envoi des messagers? Allah dit rusulun mubashirin. Donc des messagers mubashirin, annonciateurs de la bonne nouvelle, wa munzirin, et avertisseurs, donc des conséquences de celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Ça c'est important, afin que les gens n'aient pas d'argument devant Allah subhanahu wa ta'ala après l'envoi des prophètes. Donc l'envoi des prophètes c'est pour justement donc concrétiser la sagesse divine qui va à l'encontre justement d'une création sans objectif, donc qui est de permettre à ces gens-là, à cette création-là, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il est légiféré. Donc c'est une preuve qui est établie contre la création afin qu'il n'ait pas d'argument yawm al-qiyamah devant Allah subhanahu wa ta'ala en disant mais nous on ne savait pas ou autre. Puis le cheikh dit وَأَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا. Et il a envoyé, donc il nous a envoyé un messager. فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Celui qui lui obéit entrera au paradis. وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ. Et celui qui lui désobéit entrera en enfer. Ça c'est deux grandes règles qui sont importantes. La première, le shir dit celui qui obéit donc au prophète entrera au paradis. La seconde, celui qui désobéit au prophète, entrera en enfer. Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi sidi, il dit ceci, c'est tiré du verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa ati'u Allah wa ar-rasul, et obéissez à Allah et aux messagers, la'allakum turhamun, sûrement nous vous ferons miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Et celui qui obéit à Allah et à son messager, il le fera pénétrer dans des jardins sous lesquels coulent des fleuves, éternellement ils y seront, et telle est la réussite immense. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Et celui qui obéit à Allah et à son messager et qui craint Allah, ceux-là sont ceux qui réussiront. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Et ceux qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de leurs bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, et ceux-là ont eu une bonne compagnie. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes réussi une réussite immense. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit, فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, au prophète, pardon, entrera au paradis. Est-ce que c'est une entrée directe? Le Cheikh dit, فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Celui qui lui obéit entrera au paradis. Est-ce que toute personne obéissant au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam entrera au paradis? C'est-à-dire toute personne attestant qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed alayhi salatu wassalam est son messager et qu'il pratique les implications de cette shahada et qu'il ne fait pas un acte annulatoire de sa shahada entrera au paradis? Oui, incha'Allah. Na'am. Mais est-ce que ce sera une entrée directe sans un passage préalable par l'enfer? Ici, il y a détail. Si jamais c'est une obéissance complète, on entend par là que les obligations imposées par Allah et son prophète alayhi salatu wassalam ont été faites et qu'il y a eu délaissement, donc des kaba'ir, des grands péchés, si jamais quelqu'un meurt, en ayant forniqué, ne s'étant pas repenti de cette fornication. En ayant bu le vin, ne s'étant pas, pardon, repenti de cette boisson illicite. En ayant mangé les intérêts et ne s'étant pas repenti d'avoir mangé les intérêts. Qu'il a fait Al-Kaba'ir et qu'il ne s'est pas repenti, ici ce n'est pas une ta'a complète. C'est une ta'a naqisa. Donc cette personne-là, elle sera sous la mashi'a d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sous la volonté divine. Incha'a. عذبه وإن شاء غفر له. S'il veut, Allah subhanahu wa ta'ala le châtira. Et s'il veut, il lui fera miséricorde et le fera entrer directement au paradis. Donc les gens qui entreront directement au paradis, ce sont les gens qui ne délaissaient pas les obligations. Et qui n'ont pas fait, donc, notamment les grands péchés. Et si même ils en ont fait, ils s'en sont repentis. Mais ils ne sont pas morts avec, donc, dans leur dhimma, dans leur personne encore, à leur charge, un grand péché, dont ils ne sont pas repentis. La ta'ana qissa, c'est celui qui a délaissé des obligations, des wajibet, et qui a fait éventuellement des kaba'ir, et qui est mort sans se repentir de ces kaba'ir. Lui, il est sous la mashi'a d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas comprendre de la parole de Shir que toute personne, donc, qui a obéi au prophète alayhi salatu wassalam, entrera directement comme cela au paradis. Et le prophète alayhi salatu wassalam, donc dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Toute ma communauté entrera au paradis. Sauf celui qui s'y refuse. On lui demanda, Faqila wa man ya aba ya Rasulallah. Et qui, donc, se refuse d'entrer au paradis, ô messager d'Allah? Le prophète alayhi salatu wassalam répondit, Man ata'ani dakhal al-jannah. Celui qui m'obéit entrera au paradis. Directement, sans passage en enfer de manière absolue? Non. Il y a le détail. En fonction du fait, est-ce qu'il est mort avec du petit shirk? Est-ce qu'il est mort avec des grands péchés dont il ne s'est pas repenti? Celui-là, éventuellement, il entrera en enfer, ou bien éventuellement, il sera pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. De même, s'il a délaissé des obligations, il ne jeûnait pas, par exemple, il est mort en ayant mangé des jours de mois de Ramadan qu'il n'a pas rattrapé et il les a mangés volontairement et il ne s'est pas repenti de cet acte-là. Est-ce qu'il annule son islam là? Est-ce que ça c'est du kufr? Chez la vie, inshallah, ar-rajih, la vie prépondérant est choisie. Mais certains salafs, kafar aussi celui qui ne jeûne pas le mois de Ramadan. Pour tous les piliers, d'abord il y a des salafs qui statuent du fait que c'est des actes d'apostasie. Celui qui ne fait pas le hajj et qui en a la capacité, il est kafir chez une partie des salafs. Celui qui ne fait pas le mois de Ramadan et en a la capacité, il est kafir chez certains salafs. Celui qui ne sort pas sa zakat et qui peut le faire et ne le fait pas volontairement, il est kafir chez certains salafs. Mais Allah a'lam, la vie majoritaire aujourd'hui, al-mustaqir chez ahli al-ilm, al-sha'i' al-ghalib, ce qui est le plus général et choisi chez la plupart des muhaqiqin, des savants, aujourd'hui, c'est que tarikus salah il est kafir. Celui qui ne prie pas, il est mécréant. Quand au fait de délaisser le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, la zakat ou le hajj ou autre, c'est une kabira et c'est grave, mais ce n'est pas un kufr qui fait sortir de l'islam tant que la personne ne réfute pas le caractère obligatoire. Ce n'est pas une obligation, c'est halal de manger pendant le mois de Ramadan, ou le hajj n'est pas une obligation, ou bien donner la zakat n'est pas une obligation. Donc, le prophète alayhi salatu wasalam dit, toute ma communauté entrera au paradis sauf celui qui s'y refuse. On lui dit, mais qui s'y refuse au messager d'Allah? Il a dit, celui qui m'obéira entrera au paradis, avec le détail que nous avons dit. Wa man asani faqad aba, et celui qui m'a désobéi, c'est qu'il s'y est refusé. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullah alayhi, dit ensuite, wa man asahu dakhala an-nar, et celui qui désobéit, donc au prophète alayhi salatu wasalam, entrera en enfer. Entrera en enfer. Donc tous ceux qui désobéissent entreront en enfer de manière totale absolue? Non, ça c'est la parole des Khawarij. Nous on ne dit pas que toute personne désobéissant au prophète alayhi salatu wassalam entre en enfer. De même ici, il faut détailler. Il faut détailler. Donc, celui qui, par sa désobéissance, fait du shirk akbar, du grand shirk, ou bien fait du kufr. Le kufr et shirk akbar, c'est synonyme dans ce contexte-là. C'est le même résultat, c'est que ça fait sortir de l'islam. Là où cette personne entrera en enfer de manière éternelle. Et jamais n'en sortira. Celui qui fait des kaba'ir, il a désobéi au prophète alayhi salatu wassalam. Si jamais il s'en repentit, bi'idhnillahi azza wa jal, incha'Allah, avec sincérité, il est pardonné dans ce bas monde et dans l'autre, bi'idhnillah. Si il meurt en ayant fait un ou des grands péchés et sans s'être repenti de ces grands péchés-là, qu'est-ce qu'on a dit? Le madhhab de Ahl Sunnah al-Jama'a. Chez les Khawarij, il est où lui? En enfer, éternellement. Chez les Murji'a, il est quoi? Il a le même iman que Jibril, que Abu Bakr Siddiq. Chez les Murji'a, tout le iman, c'est le même. Le iman de Abu Bakr, le iman de Jibril, le iman de Iblis, c'est le même. Parce que le iman chez eux, c'est At-Tasdiq, la croyance intérieure. Le iman de Pharaon et le iman de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le même iman chez Jahm ibn Safwan. Chez Ahl Sunnah al-Jama'a, celui qui fait le grand péché, il ne s'en est pas repenti, pardon, il sera sous la mashi'a, la volonté divine. Incha'a ghafarala, s'il veut, Allah lui pardonne, wa incha'a azzaba. Donc nous, on n'en sait rien de ce qui lui adviendra dans l'au-delà. Puis le shirk, rahmatullahi alayhi, a apporté un délit et a dit, il a dit, wa dalilu qawluhu ta'ala, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'aun rasula fa'asa fir'aun rasula fa'akhadhnahu akhdan wabila. Dans le sens du verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous vous avons envoyé un messager, témoin contre vous, tout comme nous avons envoyé un messager à Pharaon. Pharaon a donc désobéi au messager. Et nous l'avons donc pris, akhdan wabila, de manière sévère, forte, puissante. Vous remarquez que le cheikh a dit, anna Allah khalaqana, il n'a pas apporté de dalil. Wa razaqana, il n'a pas apporté de dalil. Et lorsqu'il a dit, wa lam yatrukna hamala, بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Cette notion-là, puisque c'est le conflit qu'il y a entre les prophètes et les peuples, il a apporté un délil. Mais il n'a pas apporté un délil concernant les notions qui est en lien avec Tawhid al-Rububiyyah, qui sont donc Al-Khalq, la création, et Al-Rizq. Donc le Cheikh, lorsqu'il a parlé de Tawhid al-Rububiyyah, Rizq et Khalq, il n'a pas apporté de délil, car il n'y a pas de conflit entre les prophètes et leur peuple à ce niveau-là. Mais lorsqu'il a parlé de Tawhid al-Uluhiyah, Tawhid de la divinité, de l'adoration, donc dans nos actes, en citant le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un messager, celui qui lui obéit, donc Tawhid al-Uluhiyah, entrera au paradis, celui qui lui désobéit, entrera en enfer, cette notion-là étant le point de divergence entre les prophètes et leur peuple, notamment entre Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wa sallam, notre prophète et Quraysh, c'est à ce niveau-là qu'il y a eu conflit. Eh bien, le cheikh a apporté un délil. Quel est-il? Inna arsalna ilaykum rasoula. Ilaykum, nous vous avons envoyé à vous un messager. C'est qui ça? À vous. Si on prend en compte, donc le moment où est descendu le verset, c'était les Arabes de Quraysh, nous vous avons envoyé à vous un messager. Et si on prend donc en compte toutes les époques, donc c'est l'humanité bien sûr. Kama arsalna ila fir'auna rasula, tout comme nous avons envoyé à Pharaon un messager. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait ressembler l'envoi du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam à Quraysh, et donc à l'humanité, à l'envoi de Moussa alayhi salam à Pharaon. Quelle a été la conséquence donc de l'envoi de Moussa à Pharaon? Allah dit fa'asa fir'aun ar-rasula, Pharaon a désobéi au messager. Pharaon a désobéi au messager. Quelle a été la conséquence? Fa'akhadhnahu akhdhan wabila, nous l'avons donc pris donc d'une manière sévère, forte. Que veut dire par là Allah subhanahu wa ta'ala? Donc il veut dire que si vous désobéissez donc à Muhammad alayhi salatu wa salam, tout comme Pharaon a désobéi à Moussa alayhi salam, de même nous vous prendrons donc de manière sévère, nous vous châtirons de manière sévère. Comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a châtié Pharaon? En le faisant couler donc sous les eaux de l'océan dans ce bas monde et dans l'au-delà par les flammes de l'enfer. Et donc ce délil-là vient effectivement confirmer ce qu'a dit Cheikh Mohamed Abdel Wahab, parce que nous avons bien dit que Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahab, ses paroles en elles-mêmes de manière indépendante ne sont pas un délil. On ne peut pas prendre ses paroles comme ça et les accepter sans qu'elles ne reposent sur un délil du Coran, de la Sunna ou bien Ijma' des Salaf, rahmatullah alayhim. Donc ici on a bien la preuve que celui qui obéit à Mohamed alayhi salatu wassalam entrera au paradis, et celui qui désobéit au prophète Mohamed alayhi salatu wassalam entrera en enfer. Inch'Allah on s'arrête ici. Et la séance prochaine, on entrera dans la deuxième et la troisième notion, bi'idhnillah, à connaître, inshallah, de cette deuxième partie de l'introduction. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.